tu fais ça en comptant sans hésiter. Viens que je te présente celle que j'aime. Tu peux l'appeler d'un seul reggae, roots ou bien raga. Que tu sois black, blanc, burbled ou bien rasta. Je connais trop d'amis qui ont succombé au son de sa voix. Et les battements de son cœur, man, je t'en parle même pas. Elle te fait danser, bouger, vibrer. Seul un pull-up select un peu la stopper. Pas de clichés, enfumée, débridée. Elle sait se faire respecter. Viens que je te présente celle que j'aime. J'ai fait sa rencontre en sound system. Viens que je te présente celle que j'aime. C'est ma déesse, ma princesse, my empress. Viens que je te présente celle que j'aime. J'ai fait sa rencontre en sound system. Viens que je te présente celle que j'aime. Viens que je te présente celle que j'aime. J'ai fait sa rencontre en sound system. Viens que je te présente celle que j'aime. C'est ma déesse, ma princesse, my empress. Viens que je te présente celle que j'aime. J'ai fait sa rencontre en sound system. Viens que je te présente celle que j'aime. Merci de votre fidélité à la première. Très bon appétit à tous. Il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Une affaire de bébé secoué devant les assises. Kaylan n'avait pas encore 2 ans quand il a succombé aux violences de son petit-père. C'était en 2014. Depuis ce matin et jusqu'à demain, Stéphane Bocage comparaît pour violences habituelles ayant entraîné la mort. La mère de la petite victime est également dans le box, accusée de n'avoir rien fait pour protéger son marmaille. Compte rendu d'audience dès le début de ce journal avec Nadine Bachelot. À La Réunion, les forces de l'ordre et la chaîne de secours à l'entraînement pour apprendre à répondre à une attaque terroriste la nuit dernière. 200 pompiers, médecins, policiers et gendarmes ont participé à un exercice grandeur nature dans l'aérogare de Gilot. Au menu, fusillade, prise en charge des victimes et gestion d'une prise d'otage. Reportage à suivre. L'aéroport qui réorganise complètement le parcours des passagers. Les formalités d'embarquement seront bientôt réparties entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Nous entendrons les explications de Jean-Paul Noël, le président du directoire de l'aéroport Roland-Garros. C'était l'invité de Philippe Dornier ce matin. Dans cette édition, nous parlerons également d'emploi à domicile et de tir à l'arc. Bienvenue sur Réunion Première. La cour d'assises a débuté ce matin l'examen de l'affaire du petit Kaylan, ce garçonnet qui n'avait pas 2 ans, est mort en 2014 à Saint-Joseph sous les coups de son petit-père. L'accusé, Stéphane Bocage, doit répondre de violences habituelles ayant entraîné la mort. Il nie les faits. Il n'est pas le seul dans le box puisque la mère de la victime est jugée pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de mauvais traitement, des faits reconnus. On part à la cour d'appel de la rue Juliette Daudu retrouver Nadine Bachelot qui suit ce procès pour Réunion Première. Nadine, comment expliquer le drame ? Rien ne peut expliquer ce drame, Antoine. En tout cas, rien ne peut le justifier. Et on ne peut pas parler de fatalité. Le rapport du docteur Jardim est accablant. Le médecin légiste a expliqué à l'aide de diapositives le syndrome du bébé secoué, parce que c'est de cela dont il s'agit. Les secousses, dit-elle, sont à l'origine du décès de Kaylan. Au moment de l'autopsie, elle a relevé un hématome sous-dural aigu. Le docteur Yasmine Jardim fait état de 16 lésions volontaires sur le corps du petit marmaille. Des lésions très suspectes en rapport avec des maltraitances, précise-t-elle. Et elle conclut, l'enfant aurait pu survivre, mais avec des séquelles. On voit, Antoine, que les personnes mises en cause n'ont laissé aucune chance à l'enfant. Mais Nadine, Kaylan avait 23 mois seulement quand il est décédé. Il n'a connu que la souffrance. Qui peut dire le calvaire qu'a vécu ce petit garçon ? A-t-il bénéficié de toute la protection et de tout l'amour dont un enfant est en droit d'attendre de sa maman ? Le gendarme venu témoigner à la barre parle d'une mère désintéressée, ne faisant preuve d'aucune patience, d'après les témoignages recueillis. Comment une mère ne peut-elle voir les sévices infligés à son enfant, surtout quand ces sévices durent plusieurs mois ? Une question qui va être au centre des débats. Ce qui est flagrant dans ce procès, Antoine, c'est le vide sur le banc de la partie civile à gauche. Aucune association, aucun membre de la famille, aucun représentant des services sociaux n'est présent pour porter la voix de cet enfant disparu trop tôt, disparu 13 jours avant de souffler ses deux bougies. Oui, l'ambiance est glaciale, on l'imagine, dans cette salle de la cour d'assises. Stéphane Bocage encourt 30 ans de réclusion criminelle. La mère de Kaylan, elle, encourt 5 ans d'emprisonnement. Test grandeur nature pour les forces de sécurité et la chaîne de secours de La Réunion la nuit dernière à l'aéroport de Gilo. Pendant trois heures, elles ont participé à une simulation d'attaque terroriste dans l'enceinte de l'aérogare. Policiers, gendarmes, militaires et pompiers, 200 personnes étaient mobilisées et il y avait aussi 200 figurants. Le tout s'est déroulé sous les yeux du préfet. Reportage Laurent Figon, Éric Lenné avec Patrick Ramoudou. Il est 23h30, l'aéroport Roland-Garros se vide de ses derniers passagers quand soudain, 6 hommes armés pénètrent dans l'enceinte. Arrivés au niveau des formalités de police, ils ouvrent le feu. Des passagers tombent, blessés ou mortellement touchés et certains sont même pris en otage. C'est une attaque terroriste, mais rassurez-vous, ce n'est qu'un exercice. Un important dispositif est mis en place. Policiers, gendarmes, militaires, pompiers et SAMU. Et tout se déroule sous les yeux du préfet Dominique Saurin. Jamais un tel exercice n'avait été fait ici sur l'île. Un exercice surtout de cette ampleur. Et surtout dans le scénario, ce qui était important, c'est qu'il n'y avait rien de préparé à l'avance. Enfin si, on avait élaboré un scénario, mais les forces d'intervention ne connaissaient pas le détail et devaient réagir au fur et à mesure de leur arrivée et de leur progression sur l'aéroport. Et après plusieurs dizaines de minutes d'intervention, les terroristes sont neutralisés, les otages sont libérés et les secours prennent le relais. Une opération réussie grâce notamment à une bonne collaboration entre GIPN et GIGN. Et là encore, c'était une première. Le commandant de gendarmerie, Luc Offray. C'est effectivement la première fois que GIPN et l'antenne GIGN se trouver ensemble sur une situation de ce type-là. Nous avons donc travaillé de concert pour résoudre cette problématique. Ça s'est bien passé, bien évidemment, même s'il y a peut-être ici et là quelques points à améliorer, eh bien nous allons travailler dessus. C'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. On reste à l'aéroport avec cette grande réorganisation du circuit des passagers. Roland-Garros se prépare à en accueillir 2,5 millions par an dans les prochaines années. C'est 400 000 de plus qu'aujourd'hui. Un espace duty-free agrandi avec 650 mètres carrés de boutiques hors taxes. Et à partir de juin prochain, des formalités d'embarquement réparties sur deux niveaux. Démonstration pour un passager au départ avec Jean-Paul Noël, le président du directoire de la société aéroportuaire. Vous allez enregistrer sur le lieu d'enregistrement qui existe aujourd'hui. Ensuite, vous allez prendre un escalator, voire un ascenseur qui va vous emmener le passager au deuxième niveau. Au deuxième niveau, on aura une salle d'attente avec un contrôle de police qui apparaît logiquement comme étant le premier niveau de contrôle. Et ensuite, on a le contrôle sûreté. Juste après ce contrôle, on arrive dans un espace commercial, duty free, avec 650 mètres carrés qu'on a prévu. Et ensuite, le passager peut redescendre dans la salle d'embarquement en empruntant également là un escalator et puis il va attendre le moment de son départ. Pourquoi ces montagnes russes ? Au lieu d'avoir une concentration des passagers qui sont sur l'espace du hall public aujourd'hui, et bien que ça soit étalé à la fois dans l'espace et permet beaucoup plus de fluidité, plus de sécurité en tout cas dans le traitement du passager. Jean-Paul Noël, président du directoire de l'aéroport Roland-Garros, était interrogé par Philippe Dornier dans la matinale de Réunion Première. Et pour les proches qui accompagnent les voyageurs, il sera toujours possible d'accéder jusqu'aux baies vitrées avec vue sur les pistes. Midi 6 sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Plus de 300 000 vues depuis hier. C'est l'exploit réussi peut-être involontairement par une mère de famille de Saint-Pierre en postant sur sa page Facebook une vidéo dans laquelle elle filme la correction qu'elle inflige à son fils de 16 ans. Cette maman, sans le vouloir, fait le buzz. Ce matin, les messages affluent. Il y a ceux qui saluent le courage et la détermination d'une maman pour bien éduquer son enfant. Et puis, il y a quelques personnes qui la désapprouvent. Dans une autre vidéo où elle apparaît plus calme, la dame se justifie. Selon elle, elle n'a à aucun moment voulu humilier son marmaille, c'est juste une mère excédée qui a voulu remettre son enfant dans le droit chemin. Extrait de cette vidéo. Le message, c'est pas de mon cas de mon marmaille. Le message, c'est pas non plus de rabaisse Ali ou de envoyer Ali à suicide Ali ou à faire n'importe quoi. M'a pas fait le vidéo pour avoir de buzz, moi. Là, parce que juste, moi, un moment oublié, c'est fatigué. M'a fatigué parce que m'a pas envie de mon marmaille retrouver à cimetière. M'a pas envie de mon marmaille retrouver en prison. C'est pour ça m'a corrigé Ali. Moi, ce moment, Miguel corrige Ali s'il fait des conneries. Moi, ce moment, ma mère s'est remettre dans le droit chemin. Mais assume-moi. Mais maintenant, dis-le bien. Si m'a fait ça, c'est pas pour détruire mon enfant. Si m'a fait ça, c'est parce qu'il date pas d'aujourd'hui que ma poussée s'est dit Ali, arrête. Voilà. La semaine de l'emploi à domicile entre particuliers a démarré hier sur l'île. Une troisième édition orchestrée par la FEPEM Réunion, la Fédération des particuliers employeurs de France. Plusieurs manifestations sont organisées pour informer aussi bien les particuliers employeurs ou ceux qui veulent le devenir, pour informer également les salariés des formalités, des pratiques, des évolutions dans le secteur. Une façon d'en finir avec le travail au noir, Johanna Damadorassi. L'emploi déclaré, c'est gagnant aussi bien pour l'employé que pour l'employeur. Le message de la FEPEM à l'occasion de la semaine de l'emploi à domicile entre particuliers. Selon Guillaume Brian, son président, trop de gens pensent encore que cela revient moins cher de ne pas déclarer. Si vous déclarez votre salarié, vous bénéficiez d'allègements de charges de l'ordre de 3,70 € par heure et vous bénéficiez aussi des avantages liés à la fiscalité, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez avoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'État vous rembourse une partie des sommes que vous avez dépensées. Au final, le particulier qui déclare paie moins cher la prestation, mais l'employé est également favorisé. Eva l'a compris il y a 4 ans après une longue période de travail au noir comme femme de ménage. On a travaillé au noir pendant 10 ans, comme après la partie en métropole, ma travail déclaré. On a vu l'avantage que tu donnes à moi de travailler déclaré. Ça fait 4 ans vraiment que mes travail déclaré. Aujourd'hui, Eva bénéficie d'une protection sociale, donc d'une couverture maladie. Elle cotise également pour sa retraite. Il y a quelques années encore, elle n'avait pas cette tranquillité d'esprit. Quand vous travaillez non déclaré, vous travaillez pour aujourd'hui, le présent, mais pas après pour l'avenir. On n'a plus rien après. Pour connaître le programme de cette semaine de l'emploi à domicile entre particuliers, vous pouvez composer le 0262 44 06 62. Pourquoi faut-il déclarer et se faire déclarer? C'est la question posée ce midi par Philippe Dornier dans C'est dans l'actu à 12h15, juste après ce journal. Santé maintenant, connaissez-vous le PXE? Ce n'est pas un modèle de voiture. Le pseudo-xanthome élastique est une maladie génétique rare. Le gène responsable se trouve à l'intérieur du foie mais n'atteint pas l'organe. Ce sont les yeux, la peau et les artères du patient qui sont touchés. Dans le monde, 5 équipes travaillent actuellement sur le PXE et le docteur Loukman Omarji fait partie de la seule équipe française engagée dans des recherches sur cette maladie au CHU d'Angers. Le Saint-Pierrois, spécialiste des maladies vasculaires, est actuellement en 3e et dernière année de thèse de sciences pour pouvoir faire une carrière hospitalo-universitaire. L'an dernier, il a proposé au ministère de la Santé un projet hospitalier de recherche clinique. Ce projet accepté permettra de faire avancer la recherche. Ce projet va tester un nouveau médicament en plus du traitement conventionnel de l'artériopathie des membres inférieurs. Donc là-dedans inclut les artériopathies du diabète, les artériopathies du tabagique, enfin toute forme d'artériopathie, de manière à optimiser le traitement médical avec l'ajout d'un nouveau médicament qu'on connaît et qui a un effet sur les vaisseaux. Et on a eu le financement, le projet a été retenu au titre du PHSC 2015. Et on va recruter 600 malades pour faire cette étude sur toute la France. Et j'espère que la Réunion sera 100 investigateurs. Et on a obtenu un budget de 899 000 euros pour mener cette étude de PHRC. Le docteur Loukman Omarji répondait à Jean-Paul Mélade. En sport, je vous le disais en titre, on va parler de tir à l'arc. Ce week-end, les Archers de Saint-Denis ont organisé une compétition en salle de tir à l'arc à 18 mètres au gymnase de Decanon. 52 archers venus des 6 clubs de Lille se sont testés en salle, donc avant de partir en extérieur. À l'heure du bilan, le président du club dionysien, Christian Bonmalet, pouvait avoir le sourire. Son club, qui évoluera la saison prochaine en D2 national, a obtenu le label club formateur délivré par la Fédération française. Et par rapport à la compétition qui s'est déroulée avant-hier, il confirme que si nos archers préfèrent de loin tirer en extérieur, les épreuves en salle demeurent une bonne école. Christian Bonmalet. On lance nos archers débutants sur la salle parce qu'ils ont l'impression effectivement que c'est à quoi distance, qu'ils ne vont pas perdre de flèches, qu'ils ne vont pas casser de flèches, etc. Mais ça nous permet effectivement de mettre nos archers débutants sur leur première compétition avant d'aborder en janvier-février les compétitions en extérieur, c'est-à-dire à 50 mètres ou à 70 mètres. On met beaucoup plus l'accent sur le tir en extérieur, c'est un petit peu la volonté et du club et en même temps la volonté de la Ligue rayonnaise. Et au mois de janvier, on recommence le tir en extérieur avec le tir à 50 mètres pour le fédéral et le tir extérieur qui est le tir olympique. Le président des archers de Saint-Denis, Christian Bonmalet, était avec Pascal Taillamé. Il est midi et 12 minutes sur Réunion Première, l'heure de faire un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. La Cour de cassation examine ce matin l'affaire des contrôles au faciès. L'État conteste sa condamnation pour 5 contrôles d'identité jugés discriminatoires. Des hommes noirs et de type arabe ont fait condamner le ministère de l'Intérieur pour la première fois, mais pour l'État, ces contrôles étaient légitimes. Le gouvernement va sortir le carnet de chèques pour sauver l'usine Alstom de Belfort. L'État va commander 16 TGV sans passer par la SNCF qui n'en a pas besoin, mais pour les lignes intercités qui sont gérées par l'État. D'autres annonces sont attendues dans la matinée. Les autres pistes du gouvernement sont dévoilées lors d'une réunion à Belfort où les salariés d'Alstom manifestent. Le gouvernement qui dévoile aussi de nouvelles aides pour les agriculteurs. C'est en ce moment, on apprend que l'État va garantir la moitié des emprunts des agriculteurs en difficulté. Ça concerne notamment les céréaliers qui sont confrontés à une récolte de blé catastrophique à cause des intempéries. On est passé tout près d'un nouveau drame en mer Méditerranée. Plus de 6000 migrants ont été secourus hier au large de la Libye. Ils étaient entassés sur des bateaux de fortune, sur le pont et dans les cales pour la traverser vers l'Europe. Et puis des pots de vin, des fausses factures, des comptes en Suisse, un énorme procès pour corruption s'ouvre en Espagne. Près de 40 prévenus et parmi eux, il y a une douzaine de politiques du Parti conservateur. Midi 14, le 12-13 continue sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Ce midi, Philippe, les emplois à domicile sont dans l'actu avec cette question, qu'ils soient babysitters, jardiniers ou femmes de ménage, pourquoi faut-il les déclarer? Parce que tout le monde y gagne, Antoine, c'est ce que vont nous dire nos trois invités, un représentant des employeurs, un autre des salariés et un responsable de la sécurité sociale. Êtes-vous prêt à déclarer la personne qui garde votre marmaille ou qui bricole chez vous? 02 62 99 2000 pour nous dire comment vous envisager les choses ou ce que vous pensez du travail au noir. Des nouvelles du temps avec Ingrid. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire nouvelle génération. Cet après-midi, avec le vent de nord-nord-est soufflant entre le Barachois et l'Ermitage et sur les flancs est du volcan, eh bien les franges côtières de ces régions sont largement ensoleillées. Le temps est presque estival avec des températures supérieures aux normales de saison. Elles vont de 26 à 29 degrés sur le pourtour littoral, voire 30 degrés dans la capitale du sud à Saint-Pierre et sur les plages de l'ouest. Et elles sont comprises entre 17 et 22 degrés dans les hauts. Dans les zones exposées au vent, eh bien les rafales atteignent 50 à 55 km/h. On retrouve un temps plus mitigé dans les hauts du nord-est et surtout ceux du sud-ouest, du tampon à la chaloupe Saint-Leu où quelques ondées sont possibles. La mer est agitée au vent et elle est belle à peu agitée partout ailleurs. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité. Mutuelle obsèque et complémentaire santé. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors, on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. 12h17 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Emploi à domicile, pourquoi les déclarer ? Ils s'occupent de vos enfants ou bien viennent en aide à votre papa malade. D'autres jardinent dans la cour et parmi ces employés à domicile, certains travaillent au noir parce qu'ils préfèrent parfois, de peur de perdre leurs allocations, leur RSA, mais aussi du fait de leur employeur qui pense faire des économies, lui, en évitant les charges sociales qui sont dues quand on déclare un emploi. Pourtant, il y a davantage d'intérêts que d'inconvénients largement à officialiser l'activité de ces emplois à domicile. C'est en tout cas le message martelé à l'occasion de la semaine qui leur est consacrée. Pourquoi le nombre d'employeurs alors a diminué ces dernières années, aussi le nombre d'heures déclarées? Quels sont les risques en cas d'accident? Est-ce que les contrôles sont nombreux? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. avec vos questions au 02 62 99 2000, les SMS au 06 92 70 2000, et puis il y a également les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et le hashtag CDL à première pour Twitter. Nos invités ce midi, Guillaume Brionne, le président de la FEPEM à La Réunion, bonjour. Bonjour. La FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs qui organise cette semaine autour de cette thématique de la déclaration, notamment des emplois à domicile. Également avec nous Thierry Delaburte, bonjour. Bonjour. Un directeur du recouvrement à la CGSS de La Réunion, la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Et puis Jean-Pierre Rivière, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CFDT Réunion. 28 000 employeurs à La Réunion pour 16 000 emplois à domicile. Qu'est-ce que ça représente d'abord en termes de revenus, Guillaume Brionne? Alors oui, Monsieur Dornier, 28 000 particuliers employeurs qui emploient un des 16 000 salariés à La Réunion, ça représente effectivement un poids économique important. Ce sont 16 000 emplois, alors certes peut-être à temps partiel, mais 16 000 vrais emplois déclarés avec une masse salariale qui est versée, qui représente environ 115 millions d'euros de salaire net annuel versé rien que pour La Réunion et près de 213 millions d'euros pour l'ensemble des DOM. Donc c'est un poids économique non négligeable. Est-ce qu'on a une idée de l'équivalent temps plein, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire combien de personnes vivent à plein temps de cette activité? Certaines utilisent ce moyen pour arrondir les fins de mois, on va dire, pour faire du temps partiel. Alors il y a différents cas de figure parce que nous sommes devant des situations assez diverses, des emplois qui peuvent être très partiels comme du jardinage où effectivement il s'agit de quelques heures par mois pour s'occuper du jardin, à des emplois à taux plein pour s'occuper de personnes par exemple très dépendantes ou de personnes porteuses de handicap ou pour l'entretien de la maison où là on peut avoir du personnel j'allais dire à temps plein. Donc toutes les situations sont possibles et c'est aussi ce qui fait la singularité du secteur, c'est que ça peut attirer aussi des personnes qui ont des souhaits en matière d'emploi assez variés. Certaines personnes souhaitent juste un travail à temps partiel pour aussi avoir du temps libre et puis d'autres qui souhaitent travailler à temps plein pour avoir un revenu complet. Donc c'est aussi un secteur qui est attractif pour cela. Alors c'est évidemment très compliqué de quantifier le travail au noir. Est-ce qu'on sait si cette pratique est très répandue à La Réunion ? Ah, effectivement, je suis bien mal placé pour vous répondre sur le sujet. Ce que je sais, moi, c'est qu'il y a 28 000 particuliers employeurs qui déclarent leurs salariés donc auprès de l'URSSAF ou auprès de Page Emploi ou auprès du CNCESU lorsqu'ils le déclarent par le CESU. C'est le chèque emploi voilà. Service universel. On aura l'occasion d'utiliser ce sigle à plusieurs reprises. Absolument, oui, qui permet de déclarer et de rémunérer son salarié simplement. 28 000 particuliers employeurs qui font les démarches. Combien sont-ils qui ne le font pas? Je ne le sais pas. Je crois qu'il faudrait poser la question au service concerné de l'inspection du travail. On va poser aussi la question à la Sécurité sociale qui est représentée par Thierry Delaburte ce midi. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de personnes qui travaillent au noir sur ce secteur de l'emploi à domicile? Aujourd'hui, ce serait effectivement assez délicat de se hasarder à avancer un chiffre sur le sujet, puisque aujourd'hui, le travail au noir est essentiellement constaté à l'occasion de détection de fraude issue de l'échange entre organismes sur les revenus, notamment des personnes. Donc, je dirais, il est assez compliqué aujourd'hui, effectivement, de quantifier la masse que ça représente. Par contre, il est assez fréquent de constater ces situations dans notre entourage quotidien. On en a tous connu, y compris des personnes qui sont obligées de continuer à aller travailler quand elles ont des accidents parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles sont mal ou pas déclarées. Donc, ouais, ça, c'est on en connaît tous dans notre un environnement. Un des inconvénients majeurs, évidemment. Voilà. Quand on n'est pas déclaré, pas d'arrêt maladie. Tout à fait. Alors, quand on n'est pas déclaré, ce qui tombe vraiment sous le sens, c'est l'absence d'indemnité journalière qu'on toucherait si on était déclaré. Ça peut représenter une vraie difficulté en cas d'accident, et on sait que c'est des métiers qui sont assez exposés aux accidents, puisque le jardinage par essence peut donner lieu à des accidents, la garde d'enfants à domicile peut donner lieu aussi au fait de se fouler une cheville ou de perdre sa capacité de travail à cette occasion-là. Et un certain nombre de personnes, voilà, sont obligées de continuer à travailler dans des conditions compliquées pour elles en termes de santé, de ce fait-là. Comment vous pouvez lutter contre le travail au noir? De quels moyens vous disposez? Aujourd'hui, le choix qui est fait par les institutions concernées, puisqu'on est la direction du travail, comme l'a évoqué mon partenaire sur le sujet, est aussi concerné. Le choix est surtout d'avoir une communication positive. C'est pour ça qu'on vous remercie aussi de nous donner cette fenêtre. C'est que, avant tout, il y a un raisonnement assez logique qui consiste à mesurer les avantages et les inconvénients de la non-déclaration. Et assez rapidement, comme on va le montrer dans cette émission, le particulier employeur va conclure qu'il est plus intéressant pour lui de déclarer ses salariés, ne serait-ce que pour des raisons de coût. Donc sur la façon de lutter, on est avant tout sur une communication positive. Après, bien évidemment, on a des sanctions qui peuvent être très fortes en cas de constat de travail dissimulé sur l'emploi de salariés à domicile, comme sur le travail dissimulé en général. Donc on reviendra sur les sanctions tout à l'heure. Jean-Pierre Rivière, vous qui accompagnez les salariés avec la CFDT, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de possibilité de déclarer, qui est avantageuse, nous dit-on, du travail au noir, des conséquences que ça peut représenter? Alors déjà, nous sommes très préoccupés et la CFDT est signataire de toutes les chartes contre le travail illégal qui existent à La Réunion. On pense souvent que de ne pas être déclaré est un avantage pour le salarié. C'est faux. Parce que de toute façon, le patron ne vous donnera pas votre salaire plus les charges qu'il n'a pas payées. Déjà. D'accord ? Ce que vient de dire monsieur, c'est que ne pas être déclaré, c'est de ne pas pouvoir accéder à la prévoyance, de ne pas avoir d'indemnité. Dans l'immédiat, j'allais dire, du jour au lendemain, si on est malade. Et si on regarde un peu plus loin, ne pas être déclaré, c'est de ne pas accéder à une retraite. Puisque si on n'est pas déclaré, on ne cotise pas au régime vieillesse. Et à la fin de son activité, on n'a pas de retraite. Donc on a tout intérêt à déclarer les salariés. Et j'allais dire plus égoïstement, pour les organisations syndicales, alors, ce n'est pas le cas dans le cas des emplois à domicile, puisqu'ils n'atteignent jamais 11. Mais la représentation syndicale se déclenche à partir de 11 salariés. Donc, on a intérêt à être déclaré pour avoir 11 salariés et une représentation syndicale. Oui, c'est vrai que c'est un secteur où on atteint rarement quand même 11 salariés dans un domicile, à moins d'avoir un domaine. 11 salariés. Mais voilà, un premier texto 06 92 70 2000 qui va pas tout à fait dans votre sens. Quelqu'un qui nous dit « Moi, j'encourage le travail au noir. On est indemnisé par la CAF ou Pôle emploi parce que, soi-disant, cotiser pour la retraite ou autre prestation de l'État, au final, nous, travailleurs, on cotise pour les retraités actuels et nous, futurs retraités. » Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est le système. On cotise effectivement pour payer les retraites de ceux qui sont en activité. Ceux qui cotisent aujourd'hui paieront les retraites de demain. Ça c'est le système. Mais je crois que c'est faux de dire que c'est avantageux. Vraiment très faux. On ne peut pas accéder à la formation, par exemple. Si on n'est pas déclaré, il y a des conventions collectives qui prévoient l'accès à la formation. Pour avoir une application de convention collective, il faut être déclaré. Et d'ailleurs, on voit quelquefois le travail au noir aussi quand il y a des conflits de relations. À ce moment-là, on n'accède pas à la formation. On a tout intérêt à être déclaré en tant que salarié. C'est le principe de solidarité que vous défendez, Guillaume Brionne, avec la Fédération des particuliers employeurs. Oui, absolument. Nous menons cette semaine donc une semaine d'animation au travers de toute l'île avec nos partenaires institutionnels pour mettre en avant effectivement le fait que tous déclarés, tous gagnants, le salarié et l'employeur. Alors le salarié, on en a parlé. Il y a la retraite, bien sûr, parce que bon nombre de personnes vont faire valoir leur droit à la retraite et seront bien contentes d'avoir été déclaré pendant 40 ans pour pouvoir toucher une retraite à taux plein. Mais il y a aussi l'assurance chômage. Quand on est déclaré, on cotise à l'assurance chômage, on cotise à l'assurance maladie quand on a un accident et aussi à ce qu'on appelle la prévoyance. Donc du côté du salarié, je pense que c'est extrêmement important de ne pas avoir de vue à court terme, de gains d'avantages à court terme, mais de regarder à long terme sur l'ensemble de sa carrière. Et M. Rivière en parlait, la formation professionnelle en fait partie. Et puis pour l'employeur, eh bien, il est faux de croire que le travail au noir est plus avantageux. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont quand même en faveur donc de l'emploi déclaré et qui permettent aux particuliers employeurs de s'y retrouver. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que pour le particulier employeur, recruter quelqu'un, rémunérer quelqu'un, avoir un emploi à son domicile, ce n'est pas pour gagner de l'argent ou faire de la plus-value. Hein. Nous avons quelqu'un à notre domicile, soit pour s'occuper d'une personne âgée, soit pour garder nos enfants. Alors, juste un simple exemple, et vous comprendrez simplement avec cette démonstration, si vous déclarez quelqu'un 10 euros de l'heure, cela vous revient à 18 euros avec les cotisations sociales, d'accord ? Mais vous avez droit à un abattement dans l'outre-mer qui est de 3,70 € par heure. Et le reliquat, vous pouvez déduire la moitié donc de ces 14 euros de votre déclaration fiscale. Alors, c'est une déduction ou un crédit d'impôt, hein, suivant les situations, un crédit d'impôt. Ça veut dire qu'on peut être même remboursé. On peut être même remboursé. C'est le cas, par exemple, si vous employez des assistantes maternelles pour garder vos enfants. Vous avez un crédit d'impôt à hauteur de 50% des 2300 euros par an et par enfant. Ça peut faire 1150 euros par enfant et par an. Donc, ce crédit d'impôt fait que finalement, si vous payez quelqu'un de manière déclarée 10 euros de l'heure, eh bien, cela vous reviendra net à 7,22 euros de l'heure. Voilà, beaucoup moins que ce que l'on peut constater par ailleurs quand on n'est pas déclaré. Donc, on le voit, du côté des salariés comme des employeurs, tout le monde est gagnant. Alors, avec ces chiffres, on pourrait penser que les gens, qu'il y a un engouement hein, pour la déclaration. Et pourtant, ces dernières années, c'était plutôt dans le sens inverse. On a les chiffres de 2013 et 2014 qui avaient été communiqués par la FEPEM. 2013, 29 928 particuliers employeurs. Et on est passé à 28 800 en 2014, donc il y a une diminution, et diminution également du nombre d'heures déclarées, diminution de l'ordre de 3,5% en gros. Comment on peut expliquer que finalement les employeurs soient réticents, Thierry Delaburte, à aller déclarer leurs employés? Alors il peut y avoir plusieurs phénomènes explicatifs à la Réunion, et pour ça je suis obligé de revenir sur un détail réglementaire qui est spécifique au DOM. En fait, à La Réunion, les employeurs, pour encourager le secteur de l'emploi à domicile, ont bénéficié d'un avantage, et ils bénéficient toujours, qui consiste à déclarer son salarié et à payer des cotisations à hauteur de 40% du SMIC. Donc, beaucoup moins que le plafond sur lequel on rémunère effectivement son salarié. Donc, c'est un élément encourageant. Par ailleurs, il y a un mouvement national de bascule vers le CESU, qui lui ne prévoit pas forcément ce dispositif. Donc, on peut penser que les employeurs faisant le pour et le contre se disent « le chèque emploi service universel est beaucoup plus simple pour moi ». Donc un certain nombre ont basculé au CESU et ils sont restés, environ 13 000. Mais un certain nombre d'entre eux ont, je dirais, soit basculer potentiellement dans le travail au noir, mais je dirais il est dur de le vérifier, soit sont restés sur un emploi déclaré de gré à gré à La Réunion, à l'URSSAF, sans passer par le CESU. On va expliquer ce que c'est le CESU, parce que c'est vrai qu'on en parle, et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu abstrait. Ouais. Le chèque emploi, service universel, c'est une simplification en quelque sorte de la possibilité de payer son salarié et puis de déclarer la personne. Alors le chèque emploi, service universel, c'est effectivement une offre de simplification, puisqu'on sait tous que quand on emploie un salarié à domicile, on a vraiment pour dernière préoccupation de devoir faire toutes ces démarches très lourdes. Donc ouais, prend du temps. Ça peut prendre du temps. Donc les URSSAF ont créé cette offre de simplification qui consiste en fait à proposer à l'employeur d'aller donc sur Internet, de rentrer uniquement le nom, prénom et numéro de sécurité sociale de son salarié. Alors qu'il faut rentrer au préalable, évidemment, mais une fois que c'est fait pour toutes les fois. Quoi. Voilà, bon, ça prend 1 minute 30. Donc ensuite, de rentrer à chaque fin de mois le salaire net payé et le nombre d'heures. Et les cotisations, en fait, sont automatiquement calculées par le système et donc par l'URSSAF qui se situe, pour le coup, en métropole. Donc ça simplifie les démarches de l'employeur et surtout, ça les sécurise. C'est-à-dire, quand vous êtes employeur, le calcul, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est l'URSSAF. Et donc, vous garantissez un bon calcul de vos cotisations. Et derrière, surtout, ça crée un espace de dialogue avec l'administration, puisque l'ensemble de vos documents sont historisés sur le site internet. Pour le salarié notamment, il peut consulter ses fiches de paye. Il a ses relevés mensuels d'activité qu'il peut fournir à Pôle emploi pour ses allocations chômage. Il a le montant de ses revenus qu'il doit déclarer aux impôts. L'ensemble de ces formalités sont disponibles sur le site. C'est pour ça que nationalement, il y a un assez fort engouement pour ce système de déclaration. Tout est beaucoup plus transparent de cette façon. Il est midi 32 sur Réunion Première. On parle des emplois à domicile. Pourquoi les déclarer? C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et on va prendre la direction de la possession. On accueille Joseph. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, tout ce que... D'abord, je vous remercie de votre émission, mais tout ce qu'il y a là, c'est du pipeau. Parce que quand moi, je vois, monsieur, j'ai cotisé plus de 44 ans à la Sécurité sociale, et puis qu'on m'a refusé il y a 15 jours, j'avais une intervention des yeux, et j'ai 68 ans, et il faut que je paye à l'ambulancier son transport. Et quand je vois autour de moi qu'il y a des gens qui ont déjà 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui se saoulent la gueule, et puis les ambulanciers montent, les médecins et tout ça montent, et moi je voudrais bien savoir comment ça se paye. Autre chose, il y a des gens... dans ma famille, qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Les enfants vont à l'école en France. Moi, je suis pas jaloux, tant mieux pour eux. Mais tout ça, pour moi, ce sont des parasites. Je dis bien le mot parasite. Alors, est-ce qu'on mettrait pas des jeunes, est-ce qu'on pourrait pas mettre des jeunes à contrôler ce système-là, à, je sais pas moi, à 18, 2000 euros par mois? Qui paierait, qui pourrait renflouer les caisses de la sécurité sociale. Mais je sais pas, il y a des choses quand même pour moi qui sont, je sais pas, ça sort de moi quand même. Alors on a bien compris, Joseph, votre point de vue. Guillaume Brionne, pour une réaction sur certains qui cotisent, d'autres pas bien sûr, et on le rappelait, c'est le système de solidarité. Oui, tout à fait. Non, mais j'entends bien, monsieur, le dispositif, faut bien le reconnaître, il est quand même compliqué pour un particulier employeur. Hein. Monsieur de la Burte expliquait le fonctionnement du CESU. C'est vrai que c'est un système qui permet une simplification de la déclaration. Il reste aussi au particulier employeur de la Réunion la possibilité de déclarer son salarié auprès de l'URSSAF de la Réunion par une méthode qu'on appelle la DNS et en remplissant un tableau qu'on adresse à l'URSSAF. Mais on voit, c'est quand même pas facile, sachant que nous ne sommes pas des entreprises, nous n'avons pas de DRH dans notre cuisine et nous sommes pourtant censés connaître le droit du travail sur le bout des doigts. Donc pour aider et accompagner les particuliers employeurs dans ces démarches, nous à la FEPEM on délivre une information sur ces dispositions. Donc on est à la disposition de monsieur pour le renseigner sur effectivement comment déclarer son salarié, comment remplir ses documents. Mais il a pas l'air très chaud, on entend, il a cotisé plus de 44 ans à la sécurité sociale. Il en reçoit pas les dividendes. Jean-Pierre Rivière. Non, mais je voudrais y réagir. Donc, non, par rapport à cet appel d'auditeur, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, moi je travaille pas à la Sécu, donc je sais pas pourquoi on lui a refusé son bon de transport. Thierry non, de la je Burte, pense alors. Que la sécurité sociale est mieux placée que moi. Non, mais enfin. Sur le cas d'espèce, il faudrait effectivement étudier. Le principe général, c'est que les soins sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc le cas qui a été soulevé, moi, me semble à expertiser. Logiquement, potentiellement, une personne peut être amenée à faire l'avance, mais en tout état de cause, les soins sont remboursés par la sécurité sociale. Par contre, effectivement, l'absence de cotisation... Là, peut jouer sur le fait de ne pas toucher potentiellement des indemnités journalières ou de la retraite. Pour le coup, les soins de monsieur seront nécessairement pris en charge. Et ça dépend du pourcentage du handicap, effectivement, s'il est pris en charge ou pas, c'est pas toujours la même chose. Enfin, je ne sais pas, moi, sur quoi je voudrais revenir, c'est la déclaration 45%. Parce que ça veut dire que le salarié, il cotise à 45%. 40%. 40%. Oui. Et au moment de sa retraite, c'est cette cotisation à hauteur de 40% qui sera prise en compte. Exactement. D'accord. Donc, il sera très certainement au minimum vieillesse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il sera très certainement au minimum vieillesse. Donc, je crois qu'il faut abandonner ce système de taxation à 40% et déclarer sur le salaire réel de manière à ce qu'à la retraite, il ait une pension, une retraite décente. Mmh. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour par texto 06 92 70 2000. Je vous redonne le numéro au passage. Pensez-vous qu'avec 1 350 euros, les charges ménagères, loyers et crédits, nous puissions encore payer des charges sociales et ce qui s'ensuit? C'est Josué et qu'on remercie de nous envoyer ce texto. On voit qu'il y a des réticences encore, Guillaume Brionne. Oui, oui, je peux le comprendre, hein, parce que ça représente effectivement non seulement des démarches qui peuvent paraître compliquées et puis un poids financier important, mais il ne faut pas oublier qu'il y a différents dispositifs qui viennent quand même aider les familles, notamment celles qui ont des enfants. Il y a la caisse d'allocation familiale qui verse des allocations et qui verse un complément s'il s'agit de la garde des enfants. Donc peut-être que monsieur a des questions relatives à la garde de ses enfants. Donc il y a la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, qui est versée par la caisse d'allocation familiale et qui exonère des cotisations patronales de sécurité sociale et qui verse en plus une allocation pour venir compenser les frais de garde. Donc c'est vrai que l'emploi à domicile ou l'emploi d'une assistante maternelle, ça représente la charge d'un salaire, mais avec les exonérations dont on peut bénéficier et les aides de la caisse d'allocation familiale, le reste à charge pour une famille avec un ou deux enfants, ça reste une charge, c'est une évidence parce qu'il y a un service à payer et heureusement. Mais ça reste plus supportable avec les aides dont on peut bénéficier. Je crois qu'il y a une méconnaissance de l'ensemble des aides dont on peut bénéficier. C'est pour cela que cela peut rebuter certains particuliers, certaines familles. C'est pour cela qu'on mène une série d'actions, d'informations cette semaine avec l'ensemble des partenaires pour dire les dispositifs qui existent. Alors, effectivement, 1350 euros, je peux comprendre que c'est une réelle difficulté d'aller payer des charges. Mais il faut aussi penser à la salariée, alors qu'on n'emploie pas puisqu'on ne la déclare pas, mais à la personne qui vient pour garder l'enfant. Elle, aujourd'hui, elle a effectivement 10 euros de l'heure. Demain, à sa retraite, il n'y aura rien. Elle n'aura rien. Et elle aura pourtant contribué à ce que nous puissions aller au travail pour avoir nos 1350 euros. Elle aura contribué au bien-être de notre famille. Voilà, c'est aussi cette reconnaissance qu'on doit avoir envers salariés. Et il y a un message qu'il faut aussi marteler, c'est que, comme l'a dit M. Brionne tout à l'heure, il est moins cher aujourd'hui de déclarer son salarié du fait des exonérations et réductions d'impôts que de ne pas le déclarer. Il en a fait la démonstration. Ce que dit monsieur est une contre-vérité. Oui. Alors, il y a Lucie qui, elle, nous dit qu'elle est particulier employeur depuis 2 ans. J'emploie à mon domicile une assistante de vie, 12 heures par semaine pour sa maman de 88 ans, hémiplégique, payée pour payer. J'ai opté de le faire par dans la légalité, nous dit-elle. C'est bien plus rassurant. Voilà, c'est aussi des témoignages qui vous confortent, et elle dit: j'ai opté pour le CESU, tellement plus simple. En quoi c'est plus simple le CESU? Comment on paye concrètement? Est-ce qu'on paye par virement? On peut payer en liquide? Comment ça se passe, Guillaume Brionne? Alors, le CESU, effectivement, c'est une formalité par Internet qui se fait en quelques clics assez simplement. Pour le paiement du salaire du salarié, les méthodes classiques, hein, moi je recommande le paiement par chèque ou par virement, éventuellement par espèce, mais enfin le virement ou le chèque, ça laisse des traces, c'est quand même aussi des moyens simples à mettre en œuvre. Vous conseillez d'éviter plutôt de payer en espèces. Oui, bien sûr, oui. En cas de discussion, de litige par la suite, vous gardez une trace, ça paraît quand même mieux. Le CESU permet de déclarer en quelques clics. Vous déclarez donc le nom, le numéro de sécurité sociale du salarié, le nombre d'heures et le salaire versé. Et tout le reste est fait automatiquement par le Centre National CESU. Je reviens sur un autre avantage à déclarer son salarié. Et je remercie Lucie pour sa question. Parce que le fait de déclarer son salarié, c'est aussi reconnaître le professionnalisme de ce salarié. C'est aussi avoir en face de soi un professionnel qui va s'occuper de sa maman dans les bonnes conditions. Hein, et le fait de lui octroyer un salaire décent, c'est aussi reconnaître son savoir-faire et sa compétence. Et ça, c'est extrêmement important. 02 62 99 2000, on a Hugo au bout du fil. Bonjour. Bonjour, oui. Vous nous appelez Hugo, de Saint-Paul, là. Hugo. Effectivement. Oui, bon, voilà. Moi, je vous appelle à ça. J'entends que vous êtes en train de discuter sur le travail au noir. Mais je connais quelqu'un qui travaille au noir. On l'a dénoncé. Et puis, bon, ben, on l'avait prévenu déjà, on était voir les gendarmes, tout ça, ils nous disent ça ne nous concerne pas, et puis, bon, ben, voilà, et on est reparti, ils nous ont donné une adresse, des soi-disant, une adresse de, comment dirais-je, de l'inspection de travail, et ça fait plus de 2 ans, et pendant ces 2 ans, cette personne-là travaille toujours au noir. Il a une entreprise, et puis, bon, ben, c'est lui le patron, et il fait du black jusqu'à présent. Alors, moi, j'ai travaillé, j'ai cotisé pendant pas mal de temps pour avoir une retraite, et puis, il y a pas mal de gens qui sont comme moi pour travailler pour avoir une retraite plus tard. Mais la sécurité sociale annonce toujours qu'il est en déficit, soi-disant, que bon, ben, ils font de représailles sur les gens qui travaillent au bloc. Mais là, je vois que ça bouge pas, hein. Ça fait plus de 2 ans que j'ai dénoncé la personne. Alors, bon, ben, j'ai envoyé un courrier, et puis, bon, ben, jusqu'à présent, il travaille toujours au blanc. Eh ben, écoutez, on va poser la question à Thierry Delaburte, qui représente la sécurité sociale dans cette émission. Alors, on précise, on parle du travail au noir dans le milieu de l'emploi à domicile. Vous parlez d'une entreprise, c'est un peu différent, mais bon, les sanctions, on évoquait ça tout à l'heure. Quelles sont les sanctions encourues par l'employeur? Alors, l'employeur encourt effectivement des sanctions pénales, donc 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement en cas de constat de travail dissimulé. Par ailleurs, en cas de travail dissimulé, donc dans le cadre de l'emploi à domicile, il sera redevable, suite à un jugement au prud'homme, d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Donc, effectivement, ça peut correspondre à des montants importants. Voilà pour le travail dissimulé dans le secteur de l'emploi à domicile. Après, plus précisément, sur le travail dissimulé de manière générale, la CGSS, effectivement, répond à ces citations de témoignages de constats de travail dissimulé. Pour le coup, le seul élément dont on a besoin, c'est de réussir à objectiver, à pouvoir aller constater les faits, ce qui, dans le cas peut-être signalé par un monsieur, n'a pas pu se faire par manque d'informations sur le lieu du chantier, etc. Mais ça nous arrive régulièrement, en tout cas, de constater des faits de travail dissimulé. Et effectivement, sans en rougir du tout, nous utilisons effectivement des informations qui nous sont données par notre environnement. Oui, parce que on peut comprendre effectivement que des gens cotisent et après voient d'autres qui ne cotisent pas. Et ça peut évidemment poser problème dans le débat public, Jean-Pierre Rivière. Vous n'avez plus rien à dire ce midi. Non, je n'ai pas suivi. Sur ce cas, j'aimerais bien que vous réagissiez quand même à cet auditeur qui nous dit le travail au noir, on lutte pas assez. Je disais à Guillaume de. Guillaume Brion. En fait, hier, à la conférence, à la table ronde, il y avait la DIECT qui était là. Et la direction du travail. La DIECT nous a précisé que. Elle ne pouvait pas intervenir chez l'employeur. Donc elle ne peut pas aussi, au-delà de la sécu, elle ne peut pas aller constater du travail illégal parce qu'elle n'entre pas chez l'employeur. Il faut que l'employeur puisse ouvrir la porte. Chez le particulier, voilà. Donc, il y a une difficulté réelle à lutter contre le travail au noir dans ce secteur-là. Oui, il n'y a que les moyens, quand on est en conflit et que la sécu arrive par rapport aux revenus, il y a moyen de lutter contre le travail illégal. Mais les personnes qui ne sont pas déclarées, elles vont toujours hésiter peut-être à dénoncer la situation. Bien évidemment qu'elles vont hésiter, parce que si jamais elles dénoncent la situation et que du jour au lendemain elles se retrouvent là sans revenus, ça va être compliqué. Mais il faut qu'elles prennent bien conscience qu'effectivement on peut gagner un peu d'argent aujourd'hui ne pas étant déclaré. Demain, qui plus est, on est sur un chantier. Demain, on fait une chute, on se retrouve à la maison, alors là, sans rien. Parce que le patron, il ne va pas remplacer l'indemnité journalière, il ne va pas remplacer la prévoyance qui est prévue dans la convention collective. Hein. C'est l'accès aux soins aussi qui est en tout cause. Oui, tout à fait. Et si on voit plus loin, parce que ça va être toujours le même problème, si on voit plus loin, c'est que demain, une fois qu'on aura atteint ses 65 ans, ben, on se retrouvera sans rien à la retraite. C'est pour ça qu'il faut conscientiser aussi alors, l'employeur de déclarer, mais aussi le salarié d'être déclaré. Ce autant que sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'emploi à domicile, il y a une convention collective. Alors il y a une vieille convention qui date de 33 ans, qui n'a jamais été négociée, enfin qui date de plus que ça, qui n'a jamais été renégociée depuis 33 ans. Et nous, partenaires sociaux, nous avons demandé l'extension de la convention collective nationale aux employeurs réunionnais. Et là, cette convention, elle est extrêmement bien faite, notamment elle prévoit la prévoyance, c'est déjà bien, mais elle prévoit aussi tous les métiers qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'emploi à domicile et la reconnaissance du professionnalisme et de la compétence, puisqu'il y a des classements par niveau. Voyez-vous. En plus, cette convention prévoit au niveau national du dialogue social. Il y a une commission nationale paritaire du dialogue social qui pourrait être déclinée à La Réunion. Donc on pourrait structurer, mais vraiment structurer, cette branche de l'emploi à domicile par, avec les partenaires sociaux. Encore faut-il effectivement que les salariés soient déclarés et qu'ils aient accès à la convention collective nationale, parce que... Elles ne sont pas toutes appliquées ici, les conventions collectives. Celle-là va être appliquée. Celle-là va, être, va l'être. Rapidement, hein, c'est quand même la CFDT qui obtient l'application de la loi El Khomri, hein, l'inversion de la norme, mais ça, on va fermer la parenthèse. Ce que vous reprochez vos concurrents des centrales, des centrales mais, concurrentes. Est-ce que c'est une façon, Guillaume Brionne, de valoriser les personnes qui s'engagent dans cette voie, parce que ce n'est pas toujours valorisant. Comment on peut valoriser ces métiers-là, justement? Alors, d'une part, en reconnaissant ces métiers, effectivement, comme disait Monsieur Rivière sur la convention collective, les différents métiers sont bien définis avec des niveaux de compétences, des niveaux de responsabilité qui donnent lieu tous à des niveaux de rémunération correspondants. Alors, comment on peut valoriser ces métiers? Eh bien, en reconnaissant la compétence et le professionnalisme des salariés du secteur. Deuxième élément, on est dans une branche où on est dans une branche particulière, justement, où entre partenaires sociaux, on est assez d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur l'extension de la convention collective aux DOM, et on a fait une démarche commune depuis 2 ans déjà pour que ça puisse rentrer en action assez rapidement. On est aussi d'accord sur la politique de professionnalisation de la branche, c'est-à-dire la formation. Et nous, partenaires sociaux, nous avons établi donc tout un ensemble d'offres de formation, avec notamment des titres professionnels qui sont accessibles aux salariés du secteur, à la fois en présentiel, c'est-à-dire donc pour suivre des formations à La Réunion, à la fois aussi par la VAE. Et il y a beaucoup de nénènes, comme on dit en créole, qui ont travaillé de nombreuses années, suffisamment d'années pour pouvoir passer un diplôme et voir reconnaître par un diplôme professionnel, un titre professionnel de niveau 5, c'est-à-dire l'équivalent du CAP. Il y a 3 titres professionnels qui existent. Employé familial pour les nénènes, assistant de vie dépendance pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées, dépendantes ou porteuses de handicap, et un titre professionnel d'assistante de garde d'enfants, assistant maternel. Et c'est le seul diplôme d'assistant maternel qui existe en France. Ce sont des diplômes de 520 heures, des vrais titres professionnels reconnus par les partenaires sociaux et les employeurs. On arrive à la fin. Une toute dernière question qui vient de nous être posée hors antenne, mais la personne ne souhaitait pas intervenir au téléphone. Elle demande, est-ce qu'il faut faire un contrat de travail pour un contrat CESU, chèque emploi service universel? Oui, c'est absolument indispensable. Effectivement, le CESU, c'est une forme de déclaration, mais ça ne se substitue pas du tout au contrat de travail. Il faut absolument mettre au clair avec son salarié les modalités de cet emploi. Il y a des modèles qui existent, que nous tenons à la disposition des employeurs et des salariés pour que donc ça se sécurise au mieux cette relation de travail. Et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Rivière sur le fait qu'il faut sensibiliser les employeurs, c'est notre rôle à la FEPEM, mais il faut sensibiliser aussi les salariés, parce que c'est parfois les salariés qui peuvent aussi permettre de dire à leur employeur, eh bien vous savez, vous avez des dispositifs qui peuvent vous aider. Il y a des aides qui existent. Il y a des dispositifs de simplification. Tenez, vous pouvez vous renseigner ici ou là. Juste avant de conclure, peut-être un petit mot pour dire que... Je crois qu'on est vraiment arrivé à la fin. Enfin, vraiment très court, en 10 secondes. Oui, il y a des ateliers un petit peu partout dans l'île. On peut trouver ça sur un site internet peut-être? Alors par téléphone plutôt au 02 62 44 06 62. Au 02 62 44 66 60, 06 62, pardon, pour avoir le programme des animations cette semaine. C'est gratuit. Dans le cadre de la semaine de l'emploi à domicile. Merci Guillaume Brionne, président de la Fédération des particuliers employeurs, Thierry Delamurte, directeur du recouvrement à la Sécurité sociale, et Jean-Pierre Rivière, le secrétaire général de la CFDT Réunion. C'est dans l'actu demain. Comment intéresser les jeunes à la lecture à l'occasion du salon du livre de jeunesse de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour La Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU, GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère, très chère. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de l'ADEME. Première. Et dans 7 minutes, toute l'info avec France Info. Pour le moment, c'est Ingrid qui vous accompagne sur Réunion Première. Bon après-midi à tous. Merci Philippe. Rendez-vous demain après le journal de midi pour un nouveau thème de C'est dans l'actu. Alors que le mondial de l'auto bat son plein à Paris, bien Tessa Groman consacre aujourd'hui la chronique éco à la reprise des ventes automobiles en Outre-mer. La chronique éco, Tessa Groman. 13 400 voitures neuves ont été immatriculées aux Antilles, en Guyane et à La Réunion en 2015. C'est 800 de plus qu'en 2014. Cette reprise des ventes est la première depuis 2007 et la crise des subprimes. Elle a aussi été enregistrée dans l'Hexagone. Mais en Outre-mer, un autre élément a joué dans la relance du marché de l'automobile. Marc Durand est le responsable vente et marketing pour les DOM chez Renault. Je pense qu'on peut ajouter un point supplémentaire qui est la reprise du tourisme. Alors on bénéficie probablement d'une partie du report du tourisme qui allait sur le Maghreb ou en Turquie, qui se reporte sur les Antilles notamment et la Réunion aussi. Avec la hausse du tourisme, c'est aussi le parc de location de voitures qui a augmenté en Outre-mer. Dans les DOM, le prix d'une voiture neuve est en moyenne 15% supérieur au prix d'achat dans l'Hexagone. Il y a le coût supplémentaire du transport, bien sûr, mais aussi celui des taxes. Marc Durand. L'eau première est moins chère, par exemple, sur les moins de 1,5 litre, sur les moins de 1 litre de cylindrée. Donc tout ça, ça joue énormément. Pour prendre un exemple très simple, si vous vendez une voiture qui fait plus de 2 litres de cylindrée, le cumul des taxes entre l'octroi de mer et la TVA, par exemple à La Réunion, notre plus grand pays, c'est 36%. Donc ça fait une grosse différence par rapport à 20% de TVA au total sur la France métropolitaine. Les taxes varient en fonction des régions. En Guyane, par exemple, on ne paye pas la TVA et l'octroi de mer pour les voitures est fixé à 23%. Là où l'octroi de mer dépend de la taille de la voiture, le nombre de petites cylindrées est plus important que la moyenne nationale. Quant à la voiture électrique, elle reste moins présente outre-mer que dans l'Hexagone, même si en Guyane et à La Réunion, elle bénéficie d'un octroi de mer à 0%. Mais la donne risque de changer. Les territoires sont parfaitement adaptés justement à l'utilisation des véhicules électriques. Maintenant, il faut que on continue à développer les infrastructures. C'est ce qui nous manque parfois, notamment au niveau des Antilles. La Réunion joue son rôle pleinement. On a encore quelques difficultés au niveau des Antilles, donc Martinique et Guadeloupe. Mais ils ont le souhait, notamment que ce soit EDF ou les responsables locaux, de pousser l'électrique. Donc, c'est une bonne chose pour nous puisqu'on est les leaders. 17 200 voitures électriques ont été immatriculées en France en 2015, soit une hausse de 64% des ventes par rapport à l'année précédente. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. La chronique éco, c'est chaque jour de la semaine à 6h25 et avant 13h sur Réunion Première. Voici Lionel Richie et Diana Ross. The only thing that's right, my first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I'm hearts that beat as one, our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, oh Lord, I'll be a fool for you, I'm sure. You know. Vous écoutez Réunion Première, il est 13h, voici le journal de France Info. L'info avec Agathe Mahuet, bonjour. Bonjour à tous. Le gouvernement a compris l'urgence de la crise agricole, les difficultés surtout des céréaliers après le mauvais temps et les mauvaises récoltes. Des dizaines de milliers d'exploitations sont menacées. L'État déroule donc un nouveau plan pour les refinancer. La libération d'une franco-tunisienne, Nouran Ouass, retenue en otage pendant 10 mois au Yémen. Elle est actuellement à Oman, le sultanat qui a tout fait pour libérer la jeune femme. Dans ce journal aussi, Haïti qui surveille et se prépare à l'arrivée de l'ouragan Matthew, 6000 personnes évacuées. Et puis un détour par l'hôtel de vente Drouot à Paris. Philippe Bouvard y cédera aujourd'hui une bonne partie de sa bibliothèque et de ses souvenirs. France Info. Après la crise de l'élevage, la crise céréalière, et là aussi le gouvernement passe à l'acte. La filière malmenée cette année par le climat, printemps humide, inondations, les rendements sont au plus bas depuis 30 ans. Énormes difficultés économiques pour les céréaliers, pour les producteurs de lait aussi. Plus de 80 000 exploitations doivent aujourd'hui être refinancées. À Matignon ce matin, le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre viennent donc de dévoiler un nouveau plan de soutien pour la profession, Guillaume Gavenne. Mais oui, il y a situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. C'est le sens du plan annoncé ce matin par le Premier ministre en personne. D'ailleurs, ce n'est pas un plan, mais bien ce qu'il appelle un pacte.